à faire son choix. On n'est pas la vie d'un corps au cœur si froid. Tu es déjà parti, ça oui, tu n'es plus là. Tu m'as laissé ici tout seul dans de vos bras. Et ça continue, cette fois j'y étais presque. Le nom qui m'avait foutu, je veux pas qu'on me laisse. Mais tu ne connais que ça, wow. Tu l'as vu, tu le veux, mais ça n'a plus de goût. Non, tu m'as eu pour si peu, mais moi je n'ai rien du tout. Tu l'as vu, tu le veux, mais ça n'a plus de goût. Non, tu m'as eu pour si peu, mais moi je n'ai rien du tout. On se met à la vie, on se contre de soi. Tu maîtrises le jeu du bout des doigts. Tu dis pour vivre heureux, il faut vivre sans toi. Oh, oh. Si ça continue, il faudra que ça cesse. Le monde est mal foutu, je veux pas qu'on le laisse. Mais tu ne connais que ça. Tu l'as vu, tu le veux, mais ça n'est plus. Tu m'as eu pour si peu, mais moi je n'ai rien du tout. Tu l'as vu, tu le veux, mais ça n'a plus de goût. Non, tu m'as eu pour si peu, mais moi je n'ai rien du tout. Mais moi je n'ai rien.